كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدروس السابقة من الأصناف المعذورين عن الصيام، وذكرنا المسافر والمريض والعاجز عن الصوم كالشيخ الكبير والعجوز، وذكرنا كذلك ما يتعلق بالحامل والمرضع والمجنون والصبي والحائض والنفساء والمجاهد في سبيل الله. هذه الأصناف تقدم التفصيل. On a cité, ولله الحمد, en détail tout ce qui concerne les personnes ou les catégories de personnes qui sont excusées de ne pas jeûner, avec des tafasil bien sûr, avec des précisions, avec des preuves. Min kitabillah wa min sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. On a cité aqwal ahl al-ilm. هذا الباب المهم. On a compris que les personnes, elles ne sont pas tous au même niveau. Ramadan, par exemple, بعض المسلمين ils ont la capacité, فيجب عليه الصوم. وبعض المسلمين ils ont des faiblesses. أو بعض المسلمين ils peuvent rencontrer des difficultés, كالمريض والمسافر. فهؤلاء تقدم معنا. S'ils peuvent jeûner, ils jeûnent. المسافر, il a le choix. La femme enceinte, la femme qui allait, كذلك, si elle peut jeûner, elle doit jeûner. المهم, des précisions مهمة, ne pas tout mélanger. Chaque personne, elle peut avoir un cas précis, donc un hukm précis. Et ça nous montre l'importance de revenir à Ahl al-ilm fi hadhihi al-masa'il wa fi ghayriha. Fas'alu Ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Fal muslim, il s'habitue toujours, khasatan talib al-ilm, il s'habitue toujours à revenir à Ahl al-ilm. Amma prendre des décisions tout seul, ou essayer de comprendre les choses tout seul au départ, ربما هذا الشخص يبا سيتي دي أقوال غريبة لأنه يكون با الخلاف يكون با أقوال أهل العلم يكون با أدلة الكتاب والسنة أو اللي كومبخن با على الفهم الصحيح ربما تونتن دي فتاوى يخالف فيها سائر العلماء هذا لا يجوز لأن الحق دي واضح العلماء اختلفوا. Enfin, on fait des efforts pour choisir le qawl qui est fondé sur le dalil. Amma inventer un qawl que personne n'a dit, c'est un bab dhalal ou un hiraf. Donc nous on fait des efforts, on adros kalam a immatina. Et on donne de l'importance au dalil. Et on s'écarte du taqlid. Et le but c'est al-haq. Donc, hadihi al-masail, elles sont importantes. لكن on insiste ان on revient à اهل العلم حتى on arrive à comprendre. Est-ce que tout ce qui est lié avec les catégories de personnes qui sont excusées c'est mafhoum? On peut passer au hadith suivant. Ou celui qui a un ishkal yatafaddal. Et اظن c'est واضح لكن ربما une chose qui n'a pas été comprise ou autre. فننظر الآن وإلا, on continue, on passe à hadith Aïcha fi al-qada. نقرأ الحديث حديث عائشة. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الإمام عبد الغني المقدسي لا سيتي pour nous démontrer ma yata'allaq bi al-qada. Et al-qada, on va citer souvent ce mot, et on le citera en arabe, c'est rattraper ou compenser le jeûne qui n'a pas été fait en son temps. C'est ça al-qada. Yaqdi, ay rattrape. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم أي il lui manquait, elle avait pas jeûné رضي الله عنها des jours من رمضان وهذا معروف عند النساء أن la plupart des femmes elles peuvent pas jeûner le mois entier لماذا لأن en général elles sont touchées par الدورة الشهرية الحيض et on a vu que ça faisait partie des personnes qui étaient excusées. وفي حديث عائشة الآخر رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Donc الحائض elle doit rattraper. Donc عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم أي elle avait des jours à rattraper من رمضان. Ça montre que c'est le صيام obligatoire de رمضان. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. Elle ne pouvait pas rattraper qu'à partir de Sha'ban. Sha'ban, si on suit l'ordre l'an, après le mois de Ramadan, c'est Shawwal, après c'est de l'Qi'da, de l'Hijjah, Muharram, il a akhiré, jusqu'à t'arrive Sha'ban, le dernier mois avant Ramadan. Donc toute l'année, elle ne rattrapait pas, et elle commençait à rattraper ses jours, puis Sha'ban, et le dernier mois avant Ramadan. Et ce hadith, il y a des ahkam, كثيرة كما بوار دي مسائل مهمة pour rapport au qada. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح وفي الحديث دلالة أي حديث عائشة كما نليه على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر. Donc on comprend de ce hadith, comme a dit Al-Hafiz ibn Hajar, rahmatullah alayh, dans ce hadith, il nous montre que c'est permis de retarder les jours que tu dois rattraper, mutlaqan, ala kulli hal, que ça soit que tu as une excuse, amla. Mathalan, celui qui a une excuse, c'est wadih. Il est malade. Pendant Ramadan, il a manqué des jours. Thumma, après Ramadan, il veut rattraper, il retombe malade. Il est excusé. La chaque annahu, il va retarder. Il a retardé pour l'obligation de Ramadan. Donc, pour l'obligation du rattrapage, c'est la même chose. Il peut retarder. Hadith Aisha radiallahu anha, il nous montre que tu es une excuse. Amla, tu as le droit de repousser. L'essentiel, c'est de rattraper avant le prochain Ramadan. C'est pour ça que Aïcha radiallahu anha le rattrapait fi Sha'ban. Et avant le prochain Ramadan. Donc, en siyam, tu peux le diviser en deux siyam Ramadan. Siyam ou saum al-ada, et le siyam qu'on jeûne comme nous en ce moment pendant Ramadan. On est obligé de le faire le mois de Ramadan si on a la capacité, bien sûr. Ça, c'est le premier nour. C'est un temps bien précis. Du premier jour de Ramadan jusqu'au dernier jour de Ramadan. Thomas, le premier jour de Shawwal, c'est l'Aïd. Toute cette période, on doit jeûner si on a la capacité, on a les conditions qu'on a citées au début des douze. Le deuxième, c'est Siyam al-Qadha. Aïe, rattraper. C'est obligatoire. Lakin, il a un temps plus vaste. C'est pas comme Ramadan. Si tu as la capacité, tu es obligé du premier jour de Ramadan jusqu'au dernier jour. Amma hadha, le deuxième cas, qada Ramadan, et rattraper Ramadan, le mois du Ramadan, il est passé. On est le mois de Shawwal, de l'Qi'da, de l'Hijja, et l'année, ça avance les mots, ça tourne. Riyad al-Hal, il peut rattraper jusqu'au prochain Ramadan. C'est ça l'explication de ce hadith. Lakin, al-awla, bien sûr, ou al-afdal, c'est de se précipiter à rattraper. L'insan, il ne sait pas ce qui peut lui arriver, est-ce qu'il pourra rattraper. Al-Afdal, c'est de se précipiter à faire le khayr, et on a cité plusieurs fois les adillah fi hada. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ سَارِعُوا أي précipitez-vous. Ça c'est un dalil qui nous montre que أَفْعَالَ الْخَيْرِ s'il n'y a pas de raison les retarder, c'est mieux de le faire directement que de le retarder. لكن تَأَمَّلُوا كَلَامَ الْحَافِظ قَالْ عَلَى جَوَاز. Ça montre une permission. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou c'est recommandé, là. Et on va voir pourquoi Aïcha radiallahu anha, elle repoussait. Lakin, le hukm qu'on prend du hadith, annahu c'est permis. T'as une excuse ou t'as pas d'excuse. C'est permis les anna saumul qada. T'as un an pour le faire, l'essentiel, avant le ramadan prochain. Qala al-imam ibn al-mulaqin, rahmatullah alayhi, fil i'lam, sharh amdat al-ahkam, min al-hadith, دليل أي حديث عائشة كوميان دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة وأنه موسع الوقت في ساكن اكسبليكي أن القضاء c'est pas comme الأداء. الأداء c'est tu dois le faire contre la capacité durant le mois de Ramadan. أما القضاء الوقت il est موسع أي le temps il est beaucoup plus vaste jusqu'au prochain Ramadan. قال وانفرد داود فأوجب المبادرة في ثاني شوال داود الظاهري. داود الظاهري مذهب الظاهرية اللي معروف عند أهل العلم أنهم يبخن للتكست على الظاهر فقط même si un autre دليل qui montre que la compréhension c'est telle chose هم يبخن على الظاهر على كل حال et ils ont du شيء من الجمود والغلو في هذا. فلهذا داود الظاهري يقول t'es obligé de rattraper à partir du deuxième jour de Shawwal. Pourquoi? Parce que le premier jour de Shawwal c'est l'Eid. On n'a pas le droit de son. As-siyam la yajouz yawm al-Eid. Après l'Eid, c'est obligatoire pour داود الظاهري. Et هذا في نظر. عائشة رضي الله عنها elle a repoussé. Et on va voir des autres adilles. قال وإن لم يفعل ذلك فهو آثم عند داود الظاهري. Ça, c'est pas sahih. S'il ne rattrape pas à partir du deuxième jour de Shawwal, il commet un péché. قال وهذا الحديث يرد عليه. Et ça nous montre أن أقوال الأئمة أقوال أهل العلم أقوال الرجال أما داود هذا الظاهري فانتقدوا عليه أمور كثيرة في باب الاعتقاد في باب المعتقد. نعم Ils ont répliqué à Daoud al-Zahiri. Anharafa fi bab al-Aqida. Anharaf wadih. Lakin, nahnu, avec la parole d'Ibn al-Mulaqin, rahmatullah alayhi, l'an, ça nous démontre anna aqwal al-Rijal, la parole, que ce soit des savants ou autres, daiman tu l'apaises avec l'adilla. Si tu as la capacité. Falihada qal, wa illam yif'al dalik fa wa athim. Ibn al-Mulaqin, il lui a répondu « وَهَذَا الْحَدِيثِ يَرُدُّ عَلَيْهِ » Le hadith, il nous montre l'inverse. Enfin, si tu as une parole d'une personne, qui qu'elle soit cette personne, si elle contredit un hadith bi wuduh, tu reviens au hadith. Et tu trouveras forcément des imams de la sunnah qui ont expliqué le hadith avec la bonne compréhension. هذا, c'est si tu as la capacité. Si tu n'as pas la capacité, tu demandes. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكذا طالب العلم il étudie les choses. Pas en prenant ce qu'il veut, en rejetant ce qu'il veut, en suivant forcément le plus grand nombre, en suivant la vie le plus simple. Là, des fois, la vie le plus simple, c'est la vie n'est pas correcte. Pas en suivant forcément les choses difficiles. C'est pas tout ce qui est difficile, c'est haq. Là, ça dépend du délit. Donc, on essaye toujours d'appliquer هذا. وهذا الحديث يرد عليه. Un frère, il peut dire, لكن, est-ce qu'un savant, un imam de la sunna, il va contredire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Amma bi'am, volontairement? Enfin, si c'est un savant de la sunna, فلا. لأن أئمة السنة, ils veulent et ils aiment suivre le Nabi alayhi wa sallam. لكن, il peut se tromper. Il peut ne pas comprendre. Ce hadith, il lui est pas parvenu. Enfin, il le contredit. Il sait pas qu'il y a un hadith. فلهذا الإمام الشافعي رحمه الله عليه, il avait le madhhab al-qadim, ثم المذهب الجديد. Il avait son école avec beaucoup d'avis. L'ancienne école, ثم il a changé plusieurs avis, ce qu'ils ont appelé la nouvelle école, al-madhhab al-jadid. Cheikh al-Islam al-Taymiyyah, dès que tu lis ce livre, il y a un qawl, il revient. Et tu trouves dans l'autre livre un autre qawl. Et le haqq, il est wahid. Lakin, ils sont excusés, les annahum, c'est des mouchtahidoun. Kama akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Idha ajtahad al-hakim fa'asab, falahu ajr. Ou ajran, wa in akhta'a, falahu ajr. Haoula al-a'imma. Ça, c'est réservé aux a'imma, mouchtahidoun, pas à n'importe qui. Celui qui ne sait pas, il n'a pas à faire d'ijtihad. Et à faire des efforts d'interprétation. Hada, il va s'égarer. Hada, il revient à ahl al-ilm. Amma al-ulama al-a'imma. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, Cheikh l'Islam de Taymiyya, haoula, à notre époque, l'imam Lubaz, Cheikh l'Albani, etc. Haoula, a'imma, s'ils se trompent et ils ont fait un ijtihad, ils sont récompensés. Lakin, nous, on espère trouver le haqq. Kadhalik, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu médites bien, il montre que ce savant, il peut se tromper. Falihada, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ijtahada fa akhta'a. Et il se trompe. Lakin, l'erreur, ça peut être un oubli, ça peut être une mauvaise compréhension, le hadith il lui est pas parvenu, c'est un être humain. C'est un être humain. فَنَحْنُ نَتَعَامَلْ مَعَ الْأَدِلَّةِ avec la compréhension de أَهْلِ الْعِلْمِ. حَتَى celui qui prétend suivre الْعُلَمَا, فَالْعُلَمَا il nous démontre أَنَّ si le hadith il te montre l'inverse de la parole d'un savant, tu reviens au hadith. Et الْأَئِمَا ils ont beaucoup de paroles في هذا. L'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, il a cité mawqif al-a'imma al-arba'a par rapport à si leur madhab il contredit un hadith. Et il démontre, rahmatullah alayhim, anna si mon madhab il khalif al-hadith, revient au hadith. Hada, c'est muhim. Bien sûr, tout ça en respectant l'ulama. Les annahum, ils font des efforts. Et plus tu fais des efforts, plus tu risques de te tromper, c'est normal, t'es un être humain. Lakin, on respecte al-hadhar min al-ghulu. Une erreur. خلاص il est mauvais et c'est un ignorant. A'oudou billah. Là, al-a'imma, ils ont une manzila azima. Ils ont fait un travail pour l'umma. On ne doit pas oublier. La yashkurullah man la yashkurun nas. Qala ibn al-munaqqin rahmatullah alayhi wa kada qawluhu ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kadhalik, ce verset. Daoud al-Zahiri dit, on doit rattraper directement. Al-imam ibn al-munaqqin, il lui démontre fa'iddatun min ayyamin ukhar. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité quand est-ce qu'on doit rattraper ces jours directement après Ramadan? Là, قال عز وجل فعدة من أيام أخرى. Tu dois jeûner l'équivalent à des jours que tu as manqué. Si tu as manqué 3 jours, tu rattrapes 3 jours. Hadith Aisha radiyallahu anha, il explique en haqiqa ce verset, il nous montre que à son époque, elle rattrapait à Sha'ban, donc avant Ramadan. Et là, chacun d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait hala. C'est sa femme. Il sait pourquoi elle jeûne mois de Sha'ban. Il sait pourquoi elle jeûne. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas dit là. Il faut rattraper directement. Ça montre que c'est permis. قال ابن المنقين حيث لم يعينها ولا قيدها بقيد فمن عينها فقد تحكم بغير دليل. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a démontré qu'on rattrape des jours. Il les a pas limités dans un temps précis. Allah subhanahu wa ta'ala قال فعدة من أيام أخرى أو أخرى. Il n'a pas dit عز وجل directement après l'Eid. Là, donc on n'a pas le droit de spécifier, et ça c'est muhim, et c'est une règle. أن سيت حديث مطلق أو عام أو سيت une آية عام مطلقة. T'as pas le droit de la spécifier avec une parole à toi. T'es obligé d'avoir un autre délit. Ça c'est une règle dans notre din. Les nabardullahs, ils ont ouvert le bab et ils te disent, مثلاً, dans tel cas, le sportif, ce qu'ils appellent les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, il peut rompre le jeûne. D'où il vient ce qayd? Al-an, vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala قال, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ أي, فُرِضَ عَلَيْكُمْ, c'est wajib. Pour tous les mu'mines, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Ya ayyuhal ladhina amanu, c'est un lafd am. Ça englobe qui? Pas tout le monde. Ya ayyuhal ladhina amanu, tous les croyants. Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum al-siyam. Ça nous montre que al-kafir sayf al-siyam, son siyam il est batil. Il est obligé de se convertir awwalan. S'il se convertit, ça devient muslim, il fait siyam. Wa illa, son siyam il est batil. Ce sportif de haut niveau, si c'est un muslim, est-ce qu'il rentre dans le verset? Non, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum al-siyam. بعضهم يفون دي فتاوى من أئمة الضلال يفون دي فتاوى pour leur pour soi disant leur facilité c'est son travail il doit rompre le jeûne là là les أنت obligé d'avoir un دليل نحن si on lui demande son دليل est-ce qu'il a la capacité de jeûner ce sportif non il a la capacité est-ce qu'il est obligé de travailler ou de faire son sport pendant Ramadan il est pas obligé خاصة les sportifs de haut niveau بعضهم c'est des millionnaires voilà où il arrête pendant cette période فلاشي allez il a de quoi vivre jusqu'à sa mort, Rabbama. C'est exactement ce qu'on est en train de démontrer avec la parole d'Ibn al-Munaqqin, annahum ils ont khalif. On n'a pas le droit de spécifier, dire non, le sportif ne rentre pas dans le verset. Ayn dalil. Il y en a un, tu dis le sportif, un autre groupe, ils sont venus, ils ont dit ceux qui passent les examens. En ce moment, c'est les examens. Et il y a des fatawa, annahum, il va passer le bac, donc il faut, ou il a le droit de rompre le jeûne. Comme s'il allait manger, il va devenir plus intelligent. S'il n'a pas travaillé toute l'année, ou alors il mange, ou alors il fait ce qu'il veut, s'il n'a pas révisé, il n'a pas travaillé, il n'y arrivera pas. Hada c'est ma'rouf. Lakin, soi-disant pour faciliter. Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des choses beaucoup plus physiques, beaucoup plus importantes, et il faisait le jeûne. Est-ce que l'ulama, ils ont fait rentrer celui qui passe des examens dans les personnes excusées. Là. On a vu les personnes excusées, c'est qui? Est-ce qu'il y a ceux qui passent des examens là? Aslan, la plupart de ces examens, c'est fondé sur le batil. C'est fondé sur le haram. Il y a de la mixité, c'est des matières, au bardoha, c'est du kufr wadih, comme la philosophie, etc. Donc aslan, écarte-toi de ces examens si ça contredit ton din, ou des fondements de ton din, ou il y a des ma'asi, comme la puberté, etc. La démocratie, la laïcité, tout ce bâtil. Nous, on considère que c'est des examens, il n'y a pas de haram. Si il peut jeûner, il jeûne. Non, il n'y a aucun mal. La preuve, c'est que dans les pays musulmans, maintenant, au Maroc, ils passent le bac kadhalik et ils font siyam. Il n'y a aucun problème. Surtout si les examens, c'est le matin. S'il prend as-sahour, il n'y a aucun problème. La fatigue, en général, elle vient après. Lakin, ils ont délaissé manhaj ahlil ilm. Ha'oula, ils donnent plus d'importance au adillah. Vous avez remarqué, c'est que les passions et la raison. Pour lui, c'est normal. Il va passer son examen, il doit être dans de bonnes conditions, donc il a le droit de manger. C'est pas aussi simple que ça. Qala ibn al-Munaqqin, on répète, فَمَنْ عَيَّنَهَا فَقَدْ حَكَمَ بِغَيْرِ دَلِيلِ. Celui qui spécifie un texte, alors que ce texte, il est général, il est global, فَقَدْ حَكَمَ بِغَيْرِ دَلِيلِ. Il a jugé sans preuve. Et celui qui parle sans ilm, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité Al-Wa'id fi kitabihi al-Karim. نعم. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ. Ne t'avance pas dans une chose. T'as pas de ilm. فَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْوَفْ مَا أَخَافْ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ. La chose que je crains le plus pour ma umma, c'est al-a'imma, al-mudallin, et les imams égarés, les prêcheurs égarés, les muftis égarés. Annahum, ils autorisent ce qu'ils veulent et ils interdisent ce qu'ils veulent. Si tu demandes ad-dalil, tu n'auras jamais de dalil. Ou des shubah, des adillah qui ne sont pas à leur place. Qala wa hadithu Aisha wa illam tusarrih bi raf'ihi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na'am. Et ça, c'est un point important. Un wahid, il peut dire, lakin Aisha, elle n'a pas rapporté ça à un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas dit, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, là. Elle a dit, kana yakun alayhi wa sallam, min ramadan, fama astati an aqdiyahu, illa fi sha'ba. Qad yakul qa'il, c'est l'avis de Aisha. Là, qala ibn al-Mulaqqin, fa innahu ya'lam, fa innahu. نعم يعلم أنه لا يخفى مثله عنه. Ça c'est واضح. Le mari il est proche de sa femme et il sait pourquoi elle va jeûner fi Sha'ba. Et il sait qu'elle a manqué des jours. Et il sait que si elle n'a pas rattrapé durant toute l'année, si elle commence Sha'ba, il saura que c'est As-Siyam qui lui manquait. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par le wahi, par la révélation. Et ça serait une faute, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait reçu la révélation pour montrer à Aïcha. Il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est obligé de démontrer. عليه الصلاة والسلام. قال ولا أن أزواجه ينفردون بآرائهن في مثل هذا الأمر المهم الضروري، فالظاهر أن ذلك عن إذن منه صلى الله عليه وسلم وتسويغه لهن بذلك. نعم، الظاهر c'est que النبي صلى الله عليه وسلم il leur a donné l'autorisation de faire هذا. قال كذلك الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه dans un autre passage de الإعلام والسبب تأخيرها. Et ça c'est important. Pourquoi Aïcha elle a retardé alors que un an, elle avait un an. Pourquoi elle a retardé jusqu'à Sha'ban? Et ta'lamoun anna Aïcha radiyallahu anha c'était une femme saliha min ummahat al-mu'minin min afdal al-nisa radiyallahu anha. Elle fait partie des meilleures femmes. Et là chaque année, elle faisait beaucoup d'efforts fi al-ibada wa al-ilm. Donc on peut se poser la question, pourquoi elle retarde jusqu'à Sha'ban radiyallahu anha? قال ابن الملقن تأخير وسبب تأخيرها رضي الله عنها الصوم من رمضان إلى شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عنها، يعني رواية في صحيح مسلم أنها elle s'occupait du prophète صلى الله عليه وسلم. ça montre الفقه et ça montre أن هذه المرأة elle savait faire la part des choses. Son mari il a besoin d'elle et elle sait que Ramadan elle a un an pour le rattraper, donc elle délaisse l'obligation au dernier moment, elle a le temps, et elle fait passer les choses importantes avant. Hatta, elle rassemble les deux. Elle s'occupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, elle va rattraper son siyam. Ça veut dire que l'année, elle aura tout fait, toutes ses obligations. Kadhalik, ça montre le respect qu'elle avait pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et l'obéissance de son mari. قال ففيه دلالة على شدة احتفالها بأمره وإرصاد نفسها لاستمتاعه. أي ça montre que Aïcha donnait de l'importance à هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a des besoins avec sa femme. Et تعلمون أن Aïcha c'était la plus jeune de ses femmes. فعائشه elle s'abstenait de faire الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم il peut avoir envie, l'envie de l'homme avec sa femme. Fa'aïcha, elle est prête. Ça montre fiqh. Et la femme, un musulman, elle doit prendre en exemple. Mitl hadihi saliha, Aïcha radiallahu anha. Amma le fiqh, anna la femme, elle est libre, anna hada al-batil kullu. Ça te sera d'aucune utilité, ayyuha al-mar'a. Donne de l'importance à ton mari, surtout si c'est un salih. Tout ça, لله عز وجل et tu seras récompensé يوم القيامة. أما tous ces أفكار الآن أن المرأة c'est pas une esclave, أن elle est légale de l'homme etc. tout ça c'est باطل. قال ولم تستأذنه في الصوم. Et ça c'est important. واحد il peut dire mais pourquoi lui a pas demandé la permission? Tout simplement elle lui demande, يا رسول الله j'ai des jours à rattraper donc je vais commencer. Et النبي صلى الله عليه وسلم s'il lui donne l'autorisation elle fait siyam et c'est fini. لكن تأملوا للفقه la compréhension de Aïcha. ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن ويكون له حاجة فيها فتفوتها أو فتفوتها. نعم عليه Aïcha lui a pas demandé la permission. لماذا؟ لأن si elle lui aurait demandé la permission النبي صلى الله عليه وسلم lui aurait donné, ربما elle aurait rattrapé 10 jours et pendant ces 10 jours النبي صلى الله عليه وسلم il aurait eu un besoin. Et Aïcha ne voulait pas que النبي صلى الله عليه وسلم il se prive. Il y en a le waqt, elle a un an. Pourquoi avancer alors que النبي صلى الله عليه وسلم il a besoin et délaisser une chose qui peut être repoussée. فهكذا المرأة الصالحة elle voit loin. Et si les choses tu peux les faire dans un temps, c'est pas haram, il n'y a aucune ma'asiyah et tu peux tout faire, مثلا l'obéissance à ton mari et en même temps plus tard rattrapée, elle n'a pas désobéi à son mari, belle, elle fait ce que son mari il aime, et en même temps, elle rattrape son siyam. Et le haq qui est obligatoire, elle le rattrape. Radiyallahu anha. قال وهذا من الأدب. Ibn al-Mulaqqin, il conclut, rahimahullah, et il démontre que هذا من الأدب. Ça fait partie du bon comportement. فالمرأة المسلمة elle prend pour exemple مثل عائشة رضي الله عنها et les autres sahabiyas. Et elle fait attention, al-hadar, kull al-hadar, de prendre en exemple les fasiqat ou les kafirat d'aujourd'hui. Mujrimat. Elles appellent à des choses, ça contredit al-Qur'an wa sunna bi wudouh. Fa al-rajul sa abdillah. Wa al-mar'a kadhalik. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque chose a sa place. L'homme, il a des droits envers la femme. La femme, elle a des droits envers l'homme. L'homme, il a des devoirs. La femme, elle a des devoirs. Et ils s'entraident. Et chacun a sa place. Si l'homme, il prend la place de la femme, wal'iyadu billah, l'humour, ça devient tout ce mélange. Si la femme, kadhalik, elle veut la place de l'homme, kadhalik, c'est pas bon. Appeler à l'égalité des deux, là. Comment ils vont être égaux? L'homme, il peut faire un siyam tout le mois, la femme, elle peut pas. Comment on va les mettre? Annahum, ils sont égaux. Hada, c'est un fikr. Il est dangereux, fal-hadar. قال ابن الملقن كذلك رحمه الله إنما كانت تصومه في شعبان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظمه فلا حاجة له في النساء في النهار. Vous vous rappelez que la mas'ala, le Nabi صلى الله عليه وسلم il faisait le siyam أكثر شعبان. Hadith Umm Salama, Hadith Aisha. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il faisait le siyam أكثر شعبان. C'est un mois où le Nabi صلى الله عليه وسلم il jeûnait beaucoup. Aïcha, elle profitait de ce mois, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait Sha'ban, elle aussi, elle rattrapait son jeûne. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait un jeûne recommandé, qui n'est pas obligatoire. Aïcha, elle en profitait pour faire un jeûne obligatoire. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il jeûne, il n'aura pas de besoin avec sa femme. Donc Aïcha, elle en profite, elle jeûne. Hakad al-mar'a as-saliha. Si elle sait que son mari, il a besoin, elle retarde. Et si son mari jeûne le lundi et le jeudi, elle en profite. Dès que son mari jeûne, elle jeûne l'obligatoire. Al-qada Ramadan. Hakada al-ta'awun. Amma certaines femmes et certains hommes, kadhalik, ils font tout pour contredire l'autre. Na'am. Et ça, c'est grave. La femme, elle fait tout pour contredire l'homme. Et ça fait des problèmes. L'homme, kadhalik, il fait tout pour contredire sa femme. Là, un couple qui veut le khayr, et qui respecte l'autre et qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ils font tout pour s'aider. Wa ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa. Tu t'entraides. Fata'ammalu l'entraide de Aïcha. Elle repousse. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup de nawafil, elle en profite pour faire son obligation. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu l'intention de jeûner et il jeûne, donc il n'aura pas de rapport avec sa femme, donc elle en profite. Elle jeûne. Radiyallahu anha. Qala ولأنه في شعبان يتضيق قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه. كذلك أن في شعبان c'est le dernier moment pour rattraper. لأن رمضان il arrive. Et le rattraper, ça doit être avant Ramadan. Donc Aïcha, elle en profitait pour rattraper. لأن la période, elle est bientôt finie. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jeûne. Hada, c'est un exemple tayyib. Et un exemple tayyib pour les femmes. كذلك c'est un exemple tayyib pour chaque musulman. Annahu da'iman il fait la part des choses. Ne pas se précipiter, ne pas tout mélanger. Il y a des choses, tu peux les repousser, repousse-les. Surtout si c'est pour faire un autre bien. Li'anna ahyanan tadu khayr. Matalan la femme, dans ce cas-là, elle a deux choses. Elle doit obéir à son mari s'il a besoin d'elle. Et elle doit rattraper, c'est une autre obligation. Dès que tu as deux obligations, tu fais passer celle la plus importante. Léna, le mari, s'il n'a pas de rapport avec sa femme, ça peut ouvrir un bab char. Alors que rattraper Ramadan, t'as un an. Donc tu fais passer l'obligation qui est la plus urgente, entre guillemets, fi al-hal. Et tu repousses l'autre. Elle va se précipiter. Ba'dahoun, elle peut dire là à son mari, là, Anna, je dois rattraper. Et son mari, il n'accepte pas, et ça fait des fitan, et shaitan y rentre, et ça peut aller très loin. Alors que l'amr, il est wasi' jiddan. Lakin, tout ça, il y a besoin de fiqh. لأن عائشة رضي الله عنها سأعلم النساء على الإطلاق على pris العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم pendant des années. Elle l'a propagé pendant des années après sa mort. Donc tu vois que son comportement, sa position, c'est basé sur l'ilm. C'est pas basé sur la précipitation ou les passions ou je veux forcément contredire ou العياذ بالله أبدا. C'est une صحابية جليلة أم المؤمنين لا يطعن فيها إلا مجرم زنديق. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. بقي اسك يلزم التتابع في قضاء رمضان. اسك celui qui rattrape s'il a plus d'un jour, مثلا il a 5 jours, est-ce qu'il doit les rattraper à la suite consécutivement l'un après l'autre, ou il peut jeûner un jour cette semaine, ثم dans un mois deux jours, wa hakada. جمهور أهل العلم على أنه لا يلزم التتابع. La majorité des savants, أنه لا يلزم التتابع. C'est pas obligatoire de les faire à la suite, consécutivement. Pourquoi? لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. أي tu fais l'équivalent des nombres de jours que tu as manqué après. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité de les faire l'un après l'autre? Là. Donc ça montre que on a le choix. Comme le fait de les rattraper directement, c'est la même chose. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في الفتح ولا يختلف المجيزون للتفريق ان التتابع اولى. Et ça c'est important. الحافظ ابن حجر il démontre que ceux qui autorisent de ne pas les faire à la suite, il s'est permis de les séparer. Et c'est ça le qawl sahih. Lakin ceux-là, Al-Hafiz ibn Hajar, il démontre que le mieux pour eux, c'est de les faire à la suite. C'est comme ceux qui disent Anna s'est permis de retarder. Et c'est le qawl sahih, comme elle a fait Aïcha. Lakin celui qui n'est pas dans le cas d'Aïcha, Aïcha, on a vu pourquoi elle a repoussé. Amma matalan, un homme, il est célibataire, il est tout seul, il a le temps. Khasatan Ramadan, ça tombe en hiver. Et juste après Shawwal, les journées sont très courtes, il a la force. Ya akhi, rattrape. Rattrape, hatta le reste de l'année, inshallah, si tu as des forces et du temps, tu feras un nawafil. Personne ne dira que le faire directement après ou le faire consécutivement, c'est pas bien. Là, c'est tayyib. Lakin, nous, on parle de la permission de retarder ou la permission de les séparer. Il faut bien comprendre. Amma al-afdal, c'est de les faire directement après et si tu peux consécutivement. Donc, on a vu l'un, deux masa'il. At-tatabu', donc les faire consécutivement, c'est pas obligatoire. Celui qui peut, c'est mieux. Et les rattraper directement après Ramadan, kadhalik, c'est permis. Lakin le mieux, celui qui a la capacité et qui a du temps, fal afdal, il les rattrape directement. Une autre mas'ala, idha akhara al-qada li ghayr udr hatta dakhala Ramadan akhar. Amma si il retarde Ramadan ou il retarde les jours manqués qu'il doit rattraper jusqu'à ce que Ramadan le prochain il arrive. Tu vas avoir deux cas. S'il a une excuse, ça arrive beaucoup pour les femmes qui allaitent. Elle allaite, l'allaitement, elle peut allaiter 2 ans. On prend l'exemple d'une femme qui va allaiter pendant 2 ans. Toute l'année elle allaite. Donc elle peut pas rattraper. On cite l'exemple si elle peut pas rattraper. Il y a des femmes, elles allaitent et elles rattrapent, elles jeûnent, il n'y a aucun problème. On va redonner ça. Si elles jeûnent, faroubama, elle n'a plus de lait. Et ça fait du mal à son enfant. Dans ce cas-là, elle ne jeûne pas. Donc, elle peut avoir une excuse toute l'année, elle ne jeûne pas, et l'autre Ramadan, il arrive. Donc, elle n'aura pas rattrapé. Fi hadha al-hal, elle est excusée. Ça, c'est le premier cas. Notre mas'ala, nous, c'est idha akhara al-qada li ghayr udr. Aucune raison. Lakin, à force de repousser, et ça arrive. C'est pour ça que l'afdal, c'est de les faire directement. Il y en a beaucoup de nas, ils repoussent. Thumma, tellement qu'ils repoussent, à un moment, ils oublient. Pendant 2-3 mois, Rubama, ils oublient. Thumma, ils se rappellent, et Ramadan, il est très proche. Et Rubama, ils repoussent demain, jusqu'à que Ramadan, il arrive. Fahada, la yajouzoula. Al-ulama, khtalafu, sur cette mas'ala, qu'est-ce qu'il doit faire? Le premier qawl, أنه يلزمه بعد صيام رمضان أن يقضي ما عليه. Ça, ils sont tous d'accord. أنه après Ramadan, il doit rattraper. Ça, c'est clair. لأنه il lui manque des jours. ويطعم عن كل يوم مسكينا. Ça, c'est قول الجمهور. Il rattrape après le Ramadan. Et s'il avait 5 jours, il rattrape les 5 jours. Et pour chaque jour, il nourrit un pauvre. Donc, il va nourrir 5 pauvres. Ça c'est le premier qawl et c'est qawl al-jumhur. Le deuxième qawl, annahu yaqdi wa la fidyata alayh. Deuxième qawl, annahu il rattrape, lakin il n'aurait pas de pauvre. Il rattrape et il n'aurait pas de pauvre et ya'tham. Ya'tham, il a fait un péché en retardant alors qu'il avait la capacité. Lakin il rattrape et inshallah il refait plus hadha. استدلوا بقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه لم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر. الإمام البخاري قال الله سبحانه وتعالى لا بسيتي الإطعام. Ça montre que le verset, que ça soit volontaire ou involontaire, excuse ou sans excuse, tu rattrapes tes jours. Et كذلك c'est l'avis de l'imam al-Shawkani et de Sheikh Muqbil rahmatullah alayh. أنه يغطرب إلى بات فيديا لكن إلى فين مخالفة. قال الإمام العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء. نعم قول الحنابلة أنهم يديز كيدوا غطربي نغير pour chaque jour un pauvre, لكن شيخ العثيمين يدمونتخ أن ظاهر القرآن الفرسي يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء كما قال الإمام البخاري. الله سبحانه وتعالى لا باسيتي الإطعام لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك فعدة من أيام أخر. وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص. سنموت كذلك أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يسيك ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك Abu Huraira, ils ont dit, radiyallahu anhum, qu'il doit nourrir pour un jour, ou pour chaque jour, un pauvre. Cheikh Ibn Uthaymeen yaqul, qawlu sahabi, hujja, ma lam yukhalif al-nas. Qawlu sahabi, c'est, tu peux t'en servir comme preuve, lakin si ça ne contredit pas un texte. Et on revient toujours, anna al-sahaba, radiyallahu anhum, abadan, il contredit un texte volontairement. Abadan. Lakin, il peut se tromper. Ou un hadith il lui est pas parvenu, ou une compréhension il khalaf un autre sahaba, et ça c'est un autre sahabi, ça c'est ma'rouf le khilaf qu'il y a entre sahaba fi hadhihi al-mas'ala wa fi ghayriha. Donc tu reviens au nass comme il a fait Cheikh Ibn Uthaymeen. Wa qawlu sahabi hujja ma lam yukhalif an-nass amma mas'alat est-ce que c'est une hujja am la qawlu sahabi, ça c'est une mas'ala que talib al-ilm il voit en détail fi kutub al-usul. Non, on ne détaillera pas. Mais ce qui nous intéresse, قال, وهنا خالف ظاهر النص فلا يعتد به. Bien sûr, en respectant ce sahabi jalil, en respectant cet imam. Mais si al-haq, il est avec un autre sahabi, et le dalil il est plus fort, مثل هنا, فعدة من أيام أخر, l'avis qu'il a choisi l'imam al-Bukhari, et d'autres compagnons, رضي الله عنهم, tu prends ce qawli, et tu respectes les autres. قال فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم أو يأثم بالتأخير. نعم يأثم بالتأخير. Donc il a pas à nourrir des pauvres, il rattrape et il a fait un péché. فيستغفر الله عز وجل. Il demande pardon, il fait التوبة من هذا et il rattrape ses jours. Donc même si volontairement, sans excuse, il n'a pas rattrapé avant le ramadan d'après, il jeûne au ramadan, il y en a, c'est obligatoire. Dès qu'il a fini son deuxième ramadan, il rattrape les jours du premier ramadan. Et yathem. Une autre mis'ala, est-ce que c'est permis at-tatawwu' bis-sawm, est-ce que c'est permis de faire des jeûnes, de jeûner un jour recommandé قبل قضاء رمضان, avant d'avoir rattrapé les jours obligatoires. مثلا, tu as une semaine à rattraper. Tu étais malade. Après Ramadan, tu rattrapes pas directement. Et un jour, مثلا, tu veux faire le lundi et le jeudi recommandé. Est-ce que tu peux faire le lundi et le jeudi recommandé et ne pas faire l'obligation, ou t'es obligé de faire l'obligation avant? Et ça, on va voir, ça va être important pour مسألات. Beaucoup de gens ils se posent la question, les 6 jours de Shawwal, et il a des jours à rattraper. Est-ce que je peux faire déjà les 6 jours de Shawwal et après je rattrape? قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع إن كان الصوم واجبا كالفدية والكفارة فلا بأس. Ça c'est premièrement. Si c'est un صيام obligatoire كالكفارة فلا بأس أو الفدية. Par rapport au Hajj, il a des jours de jeûne à faire, il n'a pas sacrifié ou autre. Ou kafara, maintenant il a eu des rapports, il doit jeûner 2 mois consécutivement. Enfin, il a le droit de faire les 2 mois consécutivement et après rattraper s'il a manqué un jour. Ça, les pourquoi? Parce que c'est deux jeûnes obligatoires. Donc tu fais passer celui que tu veux. Notre mas'ala, nous, l'un, c'est si ce n'est pas un jeûne obligatoire. Wa in kana tatawwu'an, qala Cheikh Al-Uthaymeen, fal madhhab, ay madhhab al-Hanabila, la yassih al-tatawwu' qabla al-qada, wa ya'tham. Al-Hanabila et d'autres, bien sûr, ils ont dit, il n'a pas le droit. Il est obligé de rattraper les jours obligatoires et après, s'il veut jeûner des jours recommandés, lundi ou jeudi ou autre, il a le droit. Amma, faire passer une ibada recommandée avant une ibada obligatoire, indahum la yajouz. Ça, c'est un qawl. Wa allalu anna nafila la tu'adda qabla al-fariida. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilm. Un autre avis. إلى جواز ذلك ما لم يضيق الوقت. Qui c'est qui peut nous expliquer ce passage avec ce qu'on a cité avant? Vous pouvez comprendre. قال وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك. Et c'est permis pour eux. Tu peux jeûner lundi et jeudi alors que tu as 5 jours à faire obligatoire. Tu étais malade pendant 6 ans. Pour eux, tu peux faire lundi et jeudi. Et tu rattrapes. قال ما لم يضيق الوقت. Ça veut dire quoi, هذا? Ma lam yadhiq al-waqt. Al-dhiq, c'est le fait quelque chose de serré. Tant que le temps, pas encore le temps. Quel temps il parle? Indaman. Naam. Hadith Aisha. Ça veut dire que si t'as 3 jours, il te reste 3 jours. T'as 3 jours à rattraper. Et on est à la fin de Sha'ban. Il reste que 3 jours pour Ramadan. On enlève Yawm al-Shak. Yawm al-Shak, c'est pas permis, et on ne sait pas si ça va être Ramadan, on ne le compte pas. Mouhim, 3 jours avant le jour du doute, Yawm al-Shak, ou avant Ramadan. Est-ce que tu peux faire un siyam nafila? Pourquoi? T'es obligé, les 3 jours sont obligatoires. Non, il ne reste que 3 jours, ils sont obligatoires. Amma, si c'est 2 mois avant, tu peux faire lundi et jeudi, mathalan, et après, tu as encore 1 mois et quelques jours pour faire tes 3 jours. Donc, indahum, la bud min hada. قال شيخ العثيمين كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت أو سعة الوقت نعم سعة الوقت السعة أي يغز دو تون مثلا واحد يلين صلاة فريضة فيه الوقت اللي تعلمون أن وقت الصلوات اللي فاست on parle pas de الجماعة الجماعة c'est autre chose tu dois assister à الجماعة لكن قدر واحد il a pas été الجماعة il a une excuse. Est-ce qu'il peut faire, matalan, il est malade, il n'est pas obligé d'aller au masjid. Al-Dohor, c'est à 12h30, il a fait l'Aden, c'est waqt al-Dohor. Est-ce que s'il fait à 13h, nafila, et après il fait al-Dohor, c'est permis? C'est permis. Le waqt al-Dohor, il est large. Donc, fiyad al-Hal, il a le droit de faire nafila avant al-Dohor et après al-Dohor. On ne va pas dire là, il est 13h, l'heure du Dohor, il est obligatoire, tu fais déjà l'obligatoire, là. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen compare cette situation avec le siyam. Donc, il y a juste. Et c'est le qawl sahih. قال وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب. نعم, ce qawl, il est أقرب. Surtout avec l'exemple qu'il a donné Cheikh Ibn Uthaymeen, ça nous montre que le qawl, il est qawl. كذلك, Aisha رضي الله عنها, quand elle a retardé jusqu'à Sha'ban, ça ne veut pas dire qu'elle a jamais jeûné toute l'année. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait Arafah. Il faisait Ashura. Et beaucoup de musulmans, ils le faisaient. Donc, Aisha, comme à notre époque, Aisha, radiyallahu anha, on n'a pas de délire qu'elle ne le faisait pas. Bel, al-aqrab, c'est qu'elle le faisait. C'est 15 jours. Qal Cheikh Ibn Uthaymeen, يعني أن صومه صحيح ولا يأثم لأن القياس فيه ظاهر. Donc, tu peux jeûner, même si tu as des jours à rattraper, tu peux jeûner un siyam recommandé avant. Et inshallah, l'essentiel c'est que tu rattrapes avant l'autre Ramadan. Lakin, on répète, an al-afdal, comme on a cité auparavant, an al-afdal, c'est que tu fais le plus vite possible ton obligation et après, inshallah, tu fais as-siyam recommandé. Lakin, on peut avoir un cas, an mathalan Arafah. Arafah, c'est 1 jour dans l'année. De l'Hijjah, quand al-Hujjaj ils sont au Hijj, c'est 15 jours. Et il y a un fadl azim, celui qui jeûne le mois de Arafah, Allah lui pardonne ses péchés, etc. واحد مثلا il a une semaine à rattraper. Il était malade pendant Ramadan, pendant une semaine il n'a pas fait. ثم ذو الحجة il n'a pas encore rattrapé ses jours et c'est le jour de Arafah. Est-ce que Fiyad al-Ham, on va lui dire, là, tu ne jeûnes pas, là, tu as des obligations à faire. Là, c'est qu'un jour, il le fait, il y a un fadl azim, et après, Inch'Allah, il rattrape ses jours. Et l'afdal, c'est le rattrape avant, lakin, ça peut arriver. Baqiya, les 6 jours de Shawwal. Taqdim, Sawm, As-Sitt, min Shawwal, ala al-Qadha. Qala Shawm al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, toujours, fi Sharh al-Mumti'a. Wa huna mas'ala yanbaghi at-tanabbuh laha. Wa hiya anna al-ayyam As-Sitt, min Shawwal. La tuqaddam ala qada et ramadan. Pourquoi? Alors que Cheikh Ibn Uthaymeen, lui-même, il a choisi l'avis que tu peux faire un siyam qui n'est pas obligatoire avant un siyam qui est obligatoire. Et on a cité l'exemple de Arafat ou du lundi au jeudi. Une condition, c'est que tu as le temps de rattraper. Et avant le ramadan d'après. Pourquoi dans ce cas, Cheikh Ibn Uthaymeen, il nous dit, ici, c'est un cas précis. Et il ne faut pas mélanger avec ce qu'on a vu avant. Anna, pour les 6 jours de Shawwal, tu peux pas. L'imad, hein? C'est quoi la différence? Il y en a pour avoir le Shawwal, pour avoir fini en entier. Hadith Abi Ayyub. Radiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, fakana ka siyam ad-dahr. Celui qui jeûne Ramadan. Thumma, ensuite, il fait 6 jours de Shawwal. C'est comme s'il avait jeûné tout le temps. C'est comme s'il avait jeûné tout le temps. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis une précision. C'est quoi? Na'am, man sama Ramadan. Celui qui a fait Ramadan. Après, ensuite, il a fait 6 jours de Shawwal. Donc la récompense des 6 jours, c'est lié avec Ramadan. Contrairement au lundi et jeudi, contrairement à Arafat. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit celui qui fera Arafat après avoir jeûné Ramadan, il aura cette récompense. Là, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré, man sam Arafat, celui qui jeûne Arafat, c'est ça sa récompense. Donc il y a une différence. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, il a fait ce tanbih. Baqiya, est-ce que tu peux? Al-An, on a vu qu'il y a une différence. Il n'y a aucun doute qu'il y a une différence. Lakin, est-ce que tu peux quand même? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, falaw qaddamta naflan. Si tu fais les 6 jours avant d'avoir fini Ramadan, tu n'auras pas la récompense des 6 jours de Shawwal. C'est comme si tu as jeûné tout le temps. Là, tu as fait 6 jours. C'est 6 jours recommandés, lakin tu ne rentres pas dans cette fadhila qui est citée dans ce hadith. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré les 6 jours, c'est après Ramadan. Et Hada, il n'a pas fini Ramadan. Ça, c'est un qawl. قال وذلك لأن لفظ الحديث من صام رمضان ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان وهذا واضح. نعم celui qui lui manque un jour, deux jours, une semaine, il n'a pas jeûné Ramadan. Il a jeûné une partie de Ramadan. أما النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré من صام رمضان. Celui qui a fini Ramadan, il fait 6 jours de Shawwal et il a telle récompense. قال وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة الصوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا وليس كذلك. صحيح بعض طلبة العلم certains frères des étudiants ils ont mélangé كما قال شيخ العثيمين et ils ont pensé que la première mas'ala qu'on a cité et le fait de jeûner un jeûne recommandé avant l'obligatoire c'était pareil pour Shawwal et ils ont fait rentrer la mas'ala des 6 jours de Shawwal avec la mas'ala précédente donc ils ont dit c'est autorisé là la mas'ala précédente c'est jeûne recommandé en général la deuxième c'est pour les 6 de Shawwal le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait une précision donc on est obligé de prendre en considération cette précision. قال شيخ ابن عثيمين وليس كذلك بل هذا لا ينطبق عليه لان الحديث فيه واضح هنا حديث خاص حديث ابي ايوب لانه لا الكلام اللي هو واضح الا بعد قضاء رمضان نعم لانه للسجور السته لا يصومها الا بعد قضاء رمضان هكذا جاء في الحديث اي نطق قول من العلماء اخرون يديز انه سي بيرمي سي بيرمي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال بعض العلماء يديز ان هذا من باب الغالب en général celui qui va faire les 6 jours de شوال c'est qu'il a jeûné رمضان et celui qui a jeûné رمضان et ça c'est les musulmans en général النبي صلى الله عليه وسلم il a conseillé de faire 6 jours de شوال pour avoir cette récompense فعندهم celui qui n'a pas jeûné Ramadan, s'il fait les 6 jours de Shawwal avec cette niya, il est quand même récompensé. Na'am, thumma, il rattrape ce qui lui manque. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a un autre qawl. Annahu, il conseille, mathalan, un nufasa, la femme qui a accouché avant Ramadan, pendant 40 jours, En général, 40 jours, il y a l'écoulement de sang, elle ne peut pas faire Ramadan. Rubama, elle va manquer le mois entier. Sah. Si elle veut rattraper Shawwal, ou si elle veut rattraper Aqsud Ramadan, le mois de Shawwal entier, elle va le faire avec l'intention d'avoir rattrapé. Dès qu'elle aura rattrapé, c'est fini Shawwal. Elle ne pourra plus appliquer ce hadith. La récompense, c'est celui qui a jeûné 6 jours de Shawwal. Cheikh Ibn Taymiyyah dit qu'elle jeûne tout le mois de Shawwal, elle rattrape Ramadan. Il y en a pour lui, rahimahullah, tu ne peux pas faire les 6 jours de Shawwal avant pour avoir la récompense. Thumma, après le mois de Shawwal, elle fait 6 jours. Et indahu, il dit, Inch'Allah, elle a la récompense. Pourquoi ? Il y en a, Cheikh Ibn Taymiyyah, il te montre, si tu as manqué des jours de Ramadan, c'est permis de les rattraper. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kadhalik, si tu as manqué une nafila, mettre 6 jours de Shawwal, c'est un temps précis, tu peux la rattraper. Ça, c'est un qawl. Et un autre qawl, annahum, ils disent, mettre hadhihi al-mar'a, cette femme. Ou un autre, surtout ceux qui ont des excuses. Amma, celui qui n'a pas des excuses, là, il rattrape Ramadan, et après, il fait les 6 jours de Shawwal. Amma, mettre le wahad, il a 20 jours. S'il fait les 20 jours d'un coup, et après, il fait les 6 jours de Shawwal, il aura fait 26 jours de Shawwal. Presque le mois de Shawwal entier. Ça peut être difficile. Bad ulama, yaqouloun, il fait les 6 jours de Shawwal, il a la récompense, et après, il rattrape son Ramadan. Et هذا القول هو الذي يظهر. هذا القول, inshaAllah, c'est un قول طيب, لأن notre dîn, il est fondé sur la facilité, et c'est un jeûne recommandé, et il a une bonne niya, il veut, surtout s'il a une excuse. Il avait une excuse de ne pas jeûner Ramadan, et après, ça peut être difficile de faire tout d'un coup. في هذا الحال, s'il fait les 6 jours de Shawwal, et après, il rattrape, inshaAllah, il est à la khair et on espère qu'il a la récompense. Hada, wallahu ta'ala alam. Wa illa, celui qui n'a pas d'excuse, et il a quelques jours à rattraper, un ou deux jours, ahsan lah, il rattrape les jours, thumma il fait les jours de Shawwal pour sortir de ce khilaf et sortir des doutes. Là, vous avez remarqué, quand on a dit celui qui fait déjà les 6 jours de Shawwal avant d'avoir rattrapé, on dit on espère qu'il a la récompense. Pour s'écarter de ses doutes, il rattrape Ramadan, il fait ses 6 jours de Shawwal, et inshallah, s'il est sincère, il aura cette récompense. Wallahu ta'ala a'lam. Hada ma yata'allaq bil qada. On a fini l'explication de hadith Aisha. Wa lillahi alhamd. Révisez ces masa'il, apprenez les hadiths, ils sont courts, mais les hadith Aisha. Et inshallah, le prochain dars, on continue. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك